Aime-moi, cherche un amour, un amant. Me demande de le faire speed, ensuite de le faire calmement. Qu'elle a pas le temps, qu'elle fait pas de sentiments. Qu'elle est pas du genre love, je la remballe calmement. Rien qu'à ton plat, j'ai sans appel en absence. Tu veux que je dise à tout le monde que t'abuses de ma patience. Un coup tu dis oui, un coup tu dis non. T'es pas une crasseuse, y'a des traces noires sur mon drap blanc. Est-ce que t'as un plan? Est-ce que t'as de l'argent? Je suis pas matérialiste, j'ai pas ce genre de vie. Est-ce que t'as une survoie et un toit? Est-ce que tu prends des tailles quand t'es en deux bois? Elle a pas de cœur mais elle est amoureuse. Elle est super hardcore, y'a des acides dans ses muqueuses. Plutôt moqueuse, elle béflant sur tout le monde. Quand elle arrive en boîte, fait kiffer tout le monde. Elle parle mal mais se croit super polie. Elle a une petite survoie mais elle kiffe trop les gros bolides. Les premières critiquées, les premières convoitées. Mais restez cool comme vous êtes, on va s'en contenter. Make a volatile. Elles veulent le kiff. Make a volatile. Elles veulent le beat. Make a volatile. Juste leur visa, yeah. Et leur villa. Elles veulent être indépendantes, il faut c'est seules qu'elles enfantent. Mais alors c'est pour qui qu'elles veulent être pendantes? Les chiennes de garde à vous et girl power mania. Super relou comme quand elles ont leur anania. Elles veulent l'égalité mais aussi l'honneur aux dames. Alors des fois trop saoulées, on va chercher bonheur à dame. De l'amour ou des enfants, des apparts ou des diamants. Tout en même temps, même elles ne se connaissent pas vraiment. Elles veulent des palaces et te quittent pour un mec en tipi. Elles veulent qu'on ne se cache rien mais pas qu'on les voit faire pipi. Du Gucci et nous demandent pourquoi on traîne. Chérie comprends-nous avant de vouloir qu'on te comprenne. Tu l'aimes trop, ça lui fait peur, pas assez elle pleure. Et y'a aussi les barjots comme qui est péril dans la demeure. Elles disent mais c'est mon ex, y'a plus rien entre nous. Ok. Tu se vexes quand t'es pas jaloux. Elles veulent les revoir mais pas qu'on revoie les nôtres. Prétexte je connais les filles comme si on connaissait pas les hommes. Bah. Make a volatile. Elles veulent du beef. Make a volatile. Elles veulent le beef. Make a volatile. Juste leur visa et leur villa. Un dealer. Make a volatile. Elles veulent trésor. Make a volatile. Elles veulent César. Make a volatile. Femme ou ma maîtresse, les cheveux lâchés ou les tresses. Elle fait le tour du périph' avec ses feux de détresse. Plutôt discrète, bonne qu'à se faire remarquer. Elle m'a dit qu'elle était compliquée mais je me suis embarqué. Elles aiment les indifférents mais détestent qu'on les calcule app. Les prend pas trop différents et ensuite s'étonnent quand ils tapent. Elles veulent prendre leur temps, puis tout à coup me dessapent flip flap. Que j'aille tout doucement, puis tout à coup que je casse le clic clac. Que je lui tire les cheveux au lit. Que je sois doux et en même temps impoli. Pas michetonneuse, je veux des cadeaux très jolis. Maintenant je calcule même plus la dualité, c'est sa vie. Oui. Cherchez pas à t'appeler, tu m'as pas manqué. C'est pas à toi de penser, mais tu vas me lâcher. Sensu, hystérique, névrosé, poil dingue. Ça y est, j'ai craqué. Maintenant ce qu'elles veulent, c'est un flingue. Make a volatile. Elles veulent le kiff. Make a volatile. Elles veulent le beat. Make a volatile. Juste leur visa et leur villa. Elles veulent du beef. Make a volatile. Elles veulent le beef. Make a volatile. Juste leur visa et leur villa. Un dealer. Make a volatile. Elles veulent trésor. Make a volatile. Elles veulent César. Make a volatile.